La force du rêve, par Léo Larguet. Denis Dormeuil me pria de mettre une bûche dans la cheminée, car il était à peu près aveugle et il me dit « Je songeais à ma vie, quand vous avez sonné. Au collège, je fus toujours un mauvais élève. Oh, tranquille, mais éternellement le dernier de la classe est perdu dans un rêve sans fin. J'ai désespéré mon père, qui mourut, sans avoir obtenu une seule satisfaction de moi. » Comme il me le disait à chaque instant. Il avait fait un petit rêve tranquille. J'étais médecin, notaire ou receveur de l'enregistrement, et j'épousais la demoiselle de l'avoué. Nous avions un enfant. Mon père, qui avait remis son commerce, venait habiter chez nous. Il avait un chapeau de jardin, un sécateur, et il taillait les rosiers et les buis, et il greffait les arbres. Un bon vieux petit rêve d'homme retiré des affaires avec de petites rentes. Le bonheur est certainement dans les voies communes. J'aurais vécu paisible, j'aurais fait un peu de politique et beaucoup de manies au cercle, en compagnie de quelques fonctionnaires. Ma maison de notaire, au bout de la grande rue, eût retenu dans ses panonceaux de cuivre les rayons du soleil. Et j'aurais été content d'y rentrer, le soir, à l'heure où l'on entend les pianos dans les villas aux grilles envahies par les seringas ou les lierres. Et le bruit confus et joyeux qui bourdonne derrière les murs des Sacré-Cœurs et des pensions de jeunes filles, en province, au moment de la récréation et du goûter. Mais tout cela est aussi impossible, aussi loin de moi à présent, que des bonheurs situés dans une autre planète, dans Aldébaran ou dans Sirius. Et voici que je suis presque aveugle. Je ne raconte guère cela, mais je puis vous dire que les nuits m'aident à supporter les jours, et que je me suis évadé dans le songe. J'ai toujours compris profondément et confusément, malgré toutes les explications scientifiques, que nous ne sommes que des proies ignorantes, environnées de secrets. On ne tient compte que du jour, de cette moitié de la vie où l'on a les yeux ouverts. Et Dieu sait si cela sert à grand-chose d'ouvrir les yeux. On ne voit rien de nouveau, toujours des visages tristes, un pauvre décor, 9 mois sur 10 un ciel marécageux et des garçons de recette à toutes les portes. L'autre moitié de la vie, celle du sommeil, des hautes nuits, des génies de l'ombre, des étoiles, des rêves fantastiques et féeriques, la plus belle, sans doute, n'existe pas pour les gens sérieux. Pourtant, la matière et la chair ensoleillée ne sont pas tout. Et si je pouvais la lire en m'éveillant, j'écrirais à la tête de mon lit cette phrase du vieux Shakespeare « L'homme est fait de la même étoffe que ses songes ». Le mécanisme du rêve est difficile à saisir. Tel songe précis, clair, ordonné, et comptant assez de détails et de scènes pour remplir une existence entière, ne dure, affirme-t-on, que la seconde qu'il faut un éclair pour éclabousser de soufre enflammé et d'argent livide un horizon d'orage, que le temps nécessaire à une paupière pour se fermer et s'ouvrir. Le rêve a remplacé pour moi la vie que je ne vois plus. Lorsque je songe, en dormant, je ne suis plus aveugle, comprenez-vous? Je me suis fait peu à peu un domaine merveilleux. J'ai conquis un royaume chimérique vers lequel je m'en vais en me couchant. J'ai de puissants paysages d'abîmes semés de lacs d'opale et dominés par des cimes neigeuses et des pics bleuâtres, de riches et plates campagnes vertes, des temples ruinés sur des promontoires de marbre. Je connais des gens qui n'existent que dans mes rêves. Je les retrouve, je vis avec eux, nous traitons des affaires, j'intrigue, j'ai une existence complète. J'aimais ainsi une jeune fille, et cela durait plusieurs nuits. C'était dans le pays d'abîmes et de pics bleuâtres. Elle était blonde et très grande. Son père était un vieux batelier. Il était chargé de passer les voyageurs d'une rive du lac à l'autre. Ses longues tresses d'or effleuraient le cristal liquide dans sa barque. Ses bras de neige étaient à peine allés par l'air vif des sommets. J'ai connu toute sa famille, et de nuit en nuit et de rêve en rêve, l'époque de notre mariage approchait, et j'avais hâte de m'endormir pour la revoir, lorsqu'un jour, c'est-à-dire une nuit, puisque vos nuits sont mes jours, j'ai trouvé désert le chalet qu'elle habitait. On avait cloué un écriteau sur la porte. Je lus, alloué, et personne ne put me dire où était ma fiancée et son vieux père. J'en ai beaucoup souffert. Cela vous semble drôle, n'est-ce pas? Et vous me croyez un peu fou. mais je fais d'autres rêves encore. Le plus beau de tous est celui dans lequel j'ai été une abeille. Oui, une abeille, parfaitement. J'ai eu des ailes de gaz, un corps de topaze et des pensées d'insectes. J'ai travaillé au mur de cire, j'ai soigné les nymphes, nourri les larves et gardé la reine. J'ai frissonné lorsque le sphinx Atropos, ce papillon qui seul peut s'introduire dans les ruches pour y voler le miel, est entré dans la nôtre en bourdonnant l'incantation sourde, la mélopée mystérieuse et magique qui rend immobiles les vives, les courageuses abeilles. J'ai eu des amis. Elles s'appelaient Pollen, Beau, Aklis. Quelle délicieuse compagne, quel bon petit cœur. Le matin à l'aube, nous quittions la ruche. Je vibrais sur les roses et je choisissais les composés. Quelle ivresse, si vous saviez. Lorsque je me souviens de ces vols matinaux, tout me semble fade. Je connaissais les routes bleues de l'air. Mes ailes faisaient du bruit autour de moi et je me laissais bercer, ou je m'envolais, rapide et brusque, comme une petite balle d'or. J'ai vérifié depuis les sensations que j'eus et les observations que je fis durant ce songe. Eh bien, elles étaient vraies, scientifiquement vraies, avec quelque chose en plus que ne sauront jamais les naturalistes. J'ai pénétré la grande énigme de la nature. J'ai rapporté de cette métamorphose de prodigieux secrets. J'ai vu les plantes. J'étais l'ami des roses, des nigelles, des boutons d'or et des tournesols. Elles m'ont parlé une langue embaumée, car elles vivent comme nous, bien qu'elles soient immobiles. J'ai assisté à des drames muets et poignants qui se jouaient autour d'une tige. J'ai été supplié par des étamines qui n'arrivaient pas jusqu'au pistil, malgré les élans éperdus d'amour végétal. Et alors, en m'y posant, j'ai fait ployer les fleurs hautaines, les dames d'azur, de pourpre ou de turquoise, vers les désirs de leurs humbles amants désespérés. J'ai visité, chargé de pollen, les chambres jaunes des genêts, les alcôves parfumées à défaillir des belles roses. Vous ne pouvez guère comprendre. Je ne peux pas m'expliquer. Il faudra des mots inventés, des mots que nous sommes trop grossiers pour saisir, légers comme des haleines, purs comme des arômes, et puissants et riches comme ces crépuscules que je traversais dans mes vols. J'ai porté du pollen sur mes ailes ainsi qu'une messagère nuptiale. J'ai participé au miracle, j'ai assisté à des noces de fleurs, qu'il faisait bon, dans la maison d'or des genêts, dans les chambres en rose des roses, dans les palais diaprés des iris, dans les cloches virginales des grands lys, lorsque tout le ciel n'était qu'un saphir, l'air une mer de parfums, et lorsque le dernier rayon de soleil était un appel vermeil que je comprenais. Ah, les hommes ne connaissent pas la force du rêve, la souveraineté de la pensée. Le monde se trompe depuis les origines. Il n'y a d'autre science que celle de l'infini. Il n'y a de grand, de vrai, que l'invisible. Denis d'Ormeuil se tut et baissa la tête. Puis, comme s'il eût pu me voir, il leva les yeux et me dit avec un sourire triste « Allons, laissez-moi à présent. Je sens qu'il est tard, et j'ai hâte de savoir où je dois aller aujourd'hui. » Je pris congé de mon ami, et en regagnant ma maison à travers la lourde nuit pluvieuse qu'il me réservait qu'un épais sommeil, j'ai envié cet aveugle, et j'ai pensé que sa part était peut-être la meilleure. C'était « La force du rêve » par Léo Larguet.